si le temps joue contre nous, si notre lien vit pour toujours. Je n'oublierai rien, tu verras. Plus rien ne nous séparera. On peut construire des monuments. On peut démolir des statues. Plus rien ne sera plus comme avant. Plus rien ne sera jamais plus. Les terres s'unissent, un père, son fils, pour que le monde soit toujours vivant. Que notre histoire dépasse les océans. Si Dieu existe, un père, son fils, c'est traverser tous les murs de la vie. Oublier qu'un jour on ne sait pas tout dire. À se cacher de l'essentiel et à laisser passer les jours. À s'abriter sous d'autres ciels. Se désespérer de l'amour. Je sèche les larmes de mon fils. Je grave le sourire de mon père. Que ce lien de sang nous unisse. Que rien de nous ne reste un mystère. Les terres s'unissent, un père, son fils, pour que le monde soit toujours vivant. Que notre histoire dépasse les océans. Si Dieu qu'un jour on ne sait pas tout dire. Les terres s'unissent, un père, son fils, pour que le monde soit toujours vivant. Que notre histoire dépasse les océans. Les terres s'unissent, un père, son fils. Eh oui, Dolly, l'amour éternel d'une famille, c'est la fraternité. Entre frères et sœurs, mais aussi entre parents et enfants. La fraternité, c'est aussi l'amitié éternelle entre deux personnes. L'amour fraternel, c'est le nôtre. Mais il n'est pas utile d'avoir été séparé et de souffrir pour ne jamais l'oublier. Et justement, si notre histoire peut aider à comprendre à quel point il est important de se respecter les uns les autres, notre chemin aura servi à quelque chose. Souviens-toi de ce message, Dolly. La fraternité, elle te conduira aussi jusqu'à cette fameuse clé de la vie. Dites-moi, mon père. Tu peux m'appeler Jacob. Dites-moi, Jacob, à propos de fraternité, pouvez-vous demander à votre cheval d'arrêter d'uriner, là, sur mes pattes, s'il vous plaît? Jacob, Joseph, votre histoire est si triste, mais elle se termine bien. La fraternité est un des éléments de la clé de la vie. Et grâce à votre histoire, je m'en approche doucement. Merci à tous les deux. Adieu, Dolly. Et prends soin de Flip. Il a l'air à bout. Quoi? Qu'est-ce qu'il a marmonné, là? Rien. Oh, j'ai plus le livre, j'ai dû le laisser dans la chambre. Mais ne t'inquiète pas, Dolly, tout est normal. Un homme est sorti à cheval de la salle de bain, nous a fait traverser le désert, nous a raconté son histoire avec sa fraternité. Pas craternité, fraternité. Et puis, eh bien là, on est à nouveau dans ta chambre, comme par magie, hein. Ah, ça rigole chez le David Copperfield. Tiens, voilà le livre. Oh, encore un truc de dingue! Note que collé comme ça au plafond de ta chambre, on se rend mieux compte des perspectives, hein! Elle est grande quand même, cette chambre! Eh, mais je pense que tu devrais tourner le lit dans l'autre sens! Tu crois vraiment que c'est le moment de parler d'écho? J'ai le dos collé au plafond, j'arrive à peine à bouger! Oh, ils m'ont foutu les jetons, ceux-là, en arrivant comme ça! Oula, ils n'ont pas l'air copains du tout. Regarde dans le livre. J'en étais sûre. Tu vois le grand là, avec une épée? Le géant, tu veux dire, oui. Il mesure bien 3 mètres, non? Oui, et ben lui, c'est Goliath. Il vient de mettre au défi David. Le poids-plume avec son lasso? C'est pas un lasso, ça s'appelle une fronde. Il y a une grosse pierre au bout de la corde. Regarde comme il fait tourner la corde. Il va essayer de viser Goliath au front. Comment tu le sais? C'est écrit dans le livre. Et paf, il l'a eu. Il est pas fier, le Goliath. Ah, c'est ce que je craignais, hein. On est retombé aussi sec. Oh, heureusement que le lit est bien rembourré. Moi qui adore faire du trampoline sur le lit. Dolly, Flip, n'ayez pas peur. J'ai vaincu Goliath, vous ne risquez plus rien. Vous êtes le roi David, c'est ça? Oui, enfin, je ne suis qu'un simple berger. Goliath a provoqué Dieu sans cesse depuis 40 jours à quiconque serait capable de l'affronter et le battre. J'ai relevé le défi pour sauver mon peuple et ils ont fait de moi un roi. C'est l'histoire de David et Goliath. On parle tout le temps de vous pour évoquer un combat qui semble inégal. Sauf qu'avec la force de Dieu, j'ai pu vaincre ce monstre qui nous terrorisait. C'est pour cette raison, Dolly, que je me devais de te livrer ce message. Toi qui cherches la clé de la vie, sache que le courage en fait partie. Ah oui, ça me dit quelque chose. En ce qui te concerne, Flip, le courage, ça m'étonnerait que tu saches ce que c'est. Non, toi ton truc, c'est plutôt la sieste. Mais la sieste, c'est pas dans le livre. Très drôle. Le courage de se dépasser pour aider les autres et ne pas penser que la partie est perdue d'avance.